Chapitre 65e, la bonne épée. Paul Labroquet ne se trompait pas. Le colonel était rayonnant. Il vint à lui dès qu'on lui fait entrer dans le salon, les mains joyeusement tendues. « Ça y est, » se dit le détective, « le pauvre amoureux vient de commettre une folie. »« Mon très cher ami, » commença le colonel, « je viens vous apprendre que vous vous battez avec le marquis Don Isigo Martolo, » dit Paul Labroquet, finissant la phrase. « Vous le savez déjà, naturellement. » « Sans cela aurais-je eu le plaisir de votre visite, à cette heure surtout. Voyons. Je ne porte aucun jugement sur votre acte. Mais dites-moi comment ça s'est passé. »« Très bien, très simplement. Le hasard que je cherchais, on vous l'a fourni. Vous vous êtes trouvé en face du marquis. Vous lui avez marché sur le pied, vous l'avez bousculé. Vous l'avez appelé butor, malotru, échange de cartes. C'est cela. Je vais lui envoyer mes témoins. » Paul Labroquet demanda vivement. « Ces témoins, vous les avez choisis ?» « Pas encore, je pensais à deux officiers de mes amis. Bien. Mais vous savez qu'au pistolet, ce sont les témoins qu'on touche. À l'épée, ce sont les mauvais témoins qui font toucher leurs clients. Alors, voulez-vous me permettre de vous indiquer deux bons témoins, officiers tous les deux, dont l'un tout au moins est de vos meilleurs amis ?»« Avec plaisir. Le capitaine Malter. Je pensais à lui, précisément. Et le capitaine La Rochard dit. Je le connais. Brillant cavalier, beau soldat. Le choix me va. » Mais ne craignez-vous pas que le capitaine de La Rochardie ne soit un peu trop fougueux? Le capitaine Malter est là pour le calmer, et il faut dans cette affaire, croyez-moi, quelqu'un allant de l'avant, et au besoin, éclatant comme une bombe, si c'est nécessaire. Paul Labroquet ne voulait pas en dire plus au colonel de Fongrive. Lui ouvrit les yeux sur le hasard qui l'avait amené à rencontrer ainsi le marquis Don Isigo Martolo, quand précisément il le cherchait. Mais il lui donna l'assurance qu'avec ses deux témoins, il était en bonne main et que ses intérêts seraient bien défendus au cours des pourparlers. Puis, à ses hommes, quand le colonel fut parti, il dit « On l'entraîne dans un guet-apens, on veut lui porter un mauvais coup. Savez-vous pourquoi ? Tout bonnement pour le mettre dans l'obligation de passer son service à un autre officier, de transmettre à un autre moins prévenu, moins prudent le dossier et la direction des dernières études du DR. » Paul Labroquet aussitôt lança un coup de téléphone à M. Simonet pour lui demander si le capitaine de La Rochardie se trouvait chez lui. S'il n'y était pas, de le prier de s'y rendre, l'avertissant que lui-même arrivait pour le rencontrer là, ayant une grave communication à lui faire. Fort heureusement, le capitaine se trouvait chez son ami Simonet avec le capitaine de Montgomery. « Capitaine, dit Paul Labroquet au bruyant cavalier, vous allez être témoin du colonel de Fongrive. On l'a tiré dans un traquenard. Qui ? Ce que vous devinez, Zigomar encore, toujours Zigomar. Mais nous allons essayer de faire échouer son plan. Espérons qu'on prendra l'épée. Ne faites rien. Ne décidez rien sans me consulter. C'est entendu. Je vais prévenir également le capitaine Malter, l'autre témoin. » Après quelques dernières recommandations, le détective se rendit chez le capitaine Malter, à qui il donna également des instructions. Dès lors, il fut plus tranquille, et de son côté prit des dispositions pour parer le coup que certainement avait machiné son terrible adversaire. Comme Paul Labroquet l'espérait, ce fut l'épée qui fut choisie par le marquis Don Isigo Martolo, insulté, ayant par conséquent le choix des armes. Dès le matin, la veille de la rencontre, Paul Labroquet se trouvait avec les deux témoins chez le colonel de Fongrive. « Avez-vous fait des armes ?» lui demanda Paul Labroquet. « Oui, pas mal, j'aime beaucoup l'escrime, tant mieux. » « J'étais même de belle force au fleuret. Tant pis. »« Comment tant pis ?» s'écria le colonel. « Le jeu de fleuret n'a que de lointain rapport avec l'escrime de combat. »« Cependant, le fleuret est la base de l'escrime. Pour bien faire des armes, il faut commencer par le fleuret. »« Comme il faut commencer par les chevaux de bois pour être bon cavalier. » Il mit une épée dans la main du colonel. « En garde, nous allons voir. » Le colonel fit ce que les manuels ignares et officiels appellent la garde classique, bras pliés, pointe à la hauteur de l'œil. « Cela me suffit, » dit Paul Labroquet. « Vous êtes un bon fleurettiste. Veuillez, je vous prie, oublier tout ce que vous savez du fleuret, et je réponds de vous. » Il lui plaça la main, allongea son bras, lui mit la pointe en ligne, lui montra comment éviter les prises de fer, comment garder toujours sa pointe menaçante. « Maintenant, ça va, » fit-il. « Vous avez du cœur, l'esprit prompt, la pointe en ligne. Allez-y sans crainte. À moins d'être un fou, Zigomar ne se jettera pas sur vous. » Le lendemain, la rencontre avait lieu dans une propriété privée des environs de Paris. Paul Labroquet avait pris les mesures nécessaires pour empêcher tout coup de main. Aux alentours de la propriété, il vit bien des hommes qui, sous divers déguisements, n'étaient autres que des aides, mais les hommes à lui étaient placés un peu partout, prêts à courir. Lui-même, Gabriel et la mort se tenaient dans la propriété. C'est lui qui ce matin était le brosseur du colonel. Il s'occupait de ses armes, de ses effets, des soins à lui donner. Le capitaine de la Rochardie, à qui le sort avait dévolu la direction du combat, portait, pour arrêter les reprises, une canne en bois de fer. « Avec ça, dit-il à Paulin Broquet, je casse la tête au marquis s'il veut donner le mauvais coup. » Comme le colonel allait sortir du pavillon où il s'était déshabillé pour paraître sur la piste, Paulin Broquet vit qu'il tenait dans sa main gauche crispée un fin mouchoir que trahit un bout de dentelle dépassant les doigts. Il comprit. « Colonel, dit vivement le détective à voix basse, c'est pour elle que vous allez vous battre, c'est elle que vous voulez venger. Oui, je dois tuer cet homme. Je ne vous le défends pas, mais laissez-moi vous recommander la prudence. À l'épée, c'est en allant doucement qu'on touche le mieux. » Le marquis avait comme témoin le comte de la Plénier et le brillant baron Périgourdin de la Roucoulière. Le baron de la Roucoulière, tout en étant témoin de celui qu'il espérait voir devenir son beau-frère, avait cependant, par scrupule de chevalier patriote, omis de lui montrer le fameux coup de la Roucoulière qui aurait infailliblement tué un officier français, un galant homme. Entre ces deux témoins, le marquis parut, admirable athlète, moulé dans un maillot de soie mauve qui laissait apparaître ses muscles merveilleux. Il souriait sous sa moustache brune et ses yeux avaient leur lueur de fauve. « Lui, dit Paulin Broquet, qui l'épiait, c'est bien lui. Un peu pâle, comme tous les courageux, ferme, résolu, le colonel se mit en face de lui. La Rochardie fit les recommandations d'usage, puis, ayant mis en garde les combattants de sa voix de tonnerre, cependant en ce moment légèrement ému, mais qui néanmoins fit envoyer des branches les moineaux effrayés, il dit « Allez, messieurs !» Et il s'écarta, tenant bien en main sa canne de bois de fer, prêt à sabrer, à assommer l'adversaire du colonel à la moindre tentative douteuse. Mais le marquis était trop bel escrimeur pour chercher un coup malheureux. Toutefois, il eut grande surprise en face du colonel. Il s'attendait évidemment à trouver un fleurettiste, pointe à la lune, bras plié. Il vit que Paulin Broquet, dont il avait lui l'imbattable dueliste, en d'autres temps senti profondément la pointe, avait donné des conseils. La première reprise se passa sans résultat. Le colonel de Fongrive avait compris les leçons du détective. Pas une seconde, il ne perdit sa ligne et il eut cette force de volonté de conserver son sang-froid en face de cet homme qui avait brisé son cœur devant cette poitrine offerte qu'il eût été heureux de percer. Deux, trois reprises eurent lieu encore. Le marquis commençait à s'énerver. Il attaqua plus vivement, risquant tout à coup une prise de fer. Mais le colonel restait froid, précis, comme un mathématicien. La lame échappa à cette prise de fer et sa pointe frôla l'avant-bras du marquis, faisant une éraflure. Ce fut un saut de côté, un bond de tigre, qui empêcha le marquis d'être atteint à la poitrine. « Halte !» cria la Rochardie, d'une voix qui dut faire crouler des cheminées sur les toits voisins. Il croyait le marquis transpercé. Le marquis vexé voulut en finir. Il se mit à battre le fer pour briser le poignet de son adversaire. Le colonel, infiniment moins robuste, pas entraîné, ne put forcément éviter tous les battements. Sa main fut endolorie, son bras s'engourdit, il faiblit, il dut se départir de sa garde protectrice. Alors le marquis fonça. D'instinct, le colonel rompit d'un pas, relevant vivement son épée abattue. Le marquis brisa son propre élan, abaissa sa coquille pour parer la pointe adverse, commit la faute de caver pour toucher quand même. Son épée, déviée, s'enfonça dans le gras de l'épaule de l'adversaire, traversa, mais l'épée du colonel, trop tard en ligne, rencontra cependant le buste du marquis et piqua à droite, un peu au-dessous de l'omoplate. « Coup double !» n'eussent pas manqué de proclamer les jurys de poule, alors qu'il y avait eu deux coups, dont un bon, l'autre de hasard. Peu importait d'ailleurs, l'honneur était sauf, le duel finissait pour le mieux, à la grande joie des amis du colonel. Quant au marquis, deux fois touché, il se retirait, ayant de son côté probablement obtenu ce qu'il désirait, c'est-à-dire une blessure assez grave pour immobiliser pendant quelque temps le colonel de Fongrive. Par courtoisie, il chargea son témoin, la Roucoulière, d'aller demander à son adversaire s'il voulait lui serrer la main. Le colonel refusa catégoriquement. Sans faire de commentaire, le baron, toujours chevaleresque, eut le mot de la fin. Après avoir rendu hommage en tant qu'escrimeur au colonel, il conclut « Vous êtes merveilleux sur le terrain. Quand vous aurez une affaire avec quelqu'un qui ne sera pas de mes amis, colonel, je me ferai un devoir de vous donner le secret de la botte de la Roucoulière. »